Chapitre 30e. Plusieurs journées s'écoulèrent ainsi. Quand j'eus fait de plus un grand nombre de croquis au crayon, je songeai à revenir sur mes pas. Le commandant vint lui-même pour m'emmener dans son canot. De retour à la ville, mon premier soin fut de chercher à me procurer un canot pour continuer mon voyage. Mais les eaux avaient baissé. Tous les habitants, c'est-à-dire les gens du peuple, les Indiens, etc., se préparaient à la pêche de la tortue et ne voulaient rien vendre. M. Costa voulut bien me céder sa pirogue au prix de 60 000 reis, 160 francs. J'achetai une voile 10 000 reis. Il ne me restait qu'à m'occuper de l'aménagement intérieur. Ces soins me prirent plusieurs jours. Tous les soirs, on me donnait, pour me reconduire à mon galta, un caporal armé de sa baïonnette. Nous montions et descendions dans des rues formées d'ornières et de grosses pierres, où j'ai bien souvent trébuché. Presque toujours, la porte de mon galta était fermée. Le maître du logis avait des esclaves. Il le faisait coucher de bonne heure et emportait la clé de la rue. Le caporal allait la chercher, je me dirigeais à tâtons vers mon hamac. Quant à Polycarpe, je n'en entendais plus parler de toute la nuit, mais il n'en était pas de même des factionnaires. Quand l'heure sonnait, l'un de criait « Alerte !» Le second répondait, et ainsi de suite jusqu'au plus éloigné. J'aurais pu me croire dans une ville de guerre attaquée, et il n'en était rien cependant. Manaus étant la première petite ville à l'entrée de l'Amazone, cette précaution n'était peut-être pas inutile. Je devais une visite au président. Un jour, je m'habillai de noir. Le thermomètre marquait toujours 90 degrés Fahrenheit. En attendant qu'on vînt me prévenir que la personne avec laquelle je devais aller chez le président était prête, j'allai voir mon canot dans le petit bras du rio où il était encore. Qu'on se représente un monsieur bien vêtu, bien cravaté, possesseur d'un gant presque nul, assis sur des amas de feuilles de cocotier. À quelques pas de lui, un cochon enfoui dans la vase, entouré d'une certaine quantité de vautours noirs, qui se disputaient des restes de tortues en faisant entendre un petit cri comme des chats fâchés. Un arbre, dominant le tout, était complètement chargé de ces vilains animaux. Tous les jardins du voisinage, entourés de pieux, étaient également envahis. À la moindre panique, ces affreuses bêtes s'envolaient en faisant le bruit d'une machine à vapeur. Il en était de même quand l'une d'elles avait eu la chance de se procurer quelques morceaux délicats. Et il faut bien se garder d'en tuer aucune. Il s'agit de la prison et de l'amende, car on s'en sert pour nettoyer les rues et les places, sur lesquelles j'ai vu jeter des quantités d'ordures et les restes de tortues qu'on ne peut pas utiliser. Rien de plus atroce que les souffrances de ces malheureuses bêtes. Tous les matins, j'entendais de mon réduit des éclats de rire sous ma fenêtre. Ordinairement, je m'intéressais assez peu aux travaux des esclaves de la maison que j'habitais. Comme toujours, si on tirait de l'eau au puits, on faisait tout haut des commentaires. Si une négresse portait, selon l'usage, un pot, une écuelle ou un parapluie, c'était un prétexte à conversation. Depuis longtemps déjà, j'étais blasé là-dessus, ainsi que sur bien d'autres choses. Mais ces éclats de rire avaient tant d'écho. J'avais déjà fait le portrait de plusieurs mulâtresses indiennes, parties du mobilier du maître de mon galta. J'avais une espèce de prédilection pour une grande et belle fille indienne à grosses joues, à bouche riante. Elle se nommait Phyllis. On aurait dit la bonté même. Mais cette fois, il me suffit de laisser tomber de ma fenêtre un regard dans la rue pour la prendre en horreur. Ma protégée, armée d'une hache, était retroussée jusqu'au coude. Sa robe rose à volant était pleine de sang. Elle venait de détacher le plastron de la carapace d'une tortue à coups de hache. Un autre de mes modèles, une petite fille, moitié indienne et moitié négresse, et madame sa mère jouait à qui prendrait la tête de la victime. Et comme la force de la pauvre bête était très grande, elle leur glissait entre les doigts. C'était surtout cette partie du drame qui donnait tant de joie à l'assemblée. Polycarpe seul ne riait pas, il dormait. Enfin, ces dames parvinrent à faire une large ouverture à la gorge de la tortue. Enfin, le canot était prêt. Je fis mes adieux après m'être assuré des provisions qui me seraient nécessaires. Il était arrivé de France 6 fromages de Hollande. Le dernier était presque retenu. La protection me le fit adjuger. Si j'ai souffert plus tard, je l'ai sans doute aux malédictions dont m'a accablé celui que je dépouillais ainsi. J'avais usé de quelques produits photographiques. Je fis remplir de beurre rance 2 flacons vides. On m'avait donné le choix entre 2 tonneaux venant l'un de France et l'autre d'Angleterre. Je pris naturellement celui qui devait, comme compatriote, convenir le mieux à mon estomac. Mon patriotisme a été de trop dans cette circonstance. on me fabriqua du biscuit. Une personne à qui j'avais été recommandé me fit présent d'une petite quantité de biscottes. J'avais apporté de Paria quelques livres de chocolat. Je mis pour mes Indiens 12 bouteilles de cachaça dans le fond du canot. J'achetais pour les nourrir des paniers pleins de farine, du poisson séché nommé pirorucu, qui se pêche particulièrement dans les lacs. Dieu et les Indiens que je trouverai en route pourvoiraient au reste. Le rendez-vous fut donné pour 6 heures du matin.